La vaisselle. Faire la vaisselle. La fourchette. Une fourchette à entrée. Une fourchette à viande. Une fourchette à dessert. Le verre. Le verre à eau. La cuillère. La petite cuillère. La cuillère à café. Une cuillère à soupe. Une cuillère à dessert. Un couteau à beurre. Le couteau. Le couteau de cuisine. La poêle. La poivrière. Le moulin à poivre. La salière. Le bol. Le saladier. La serviette de table. La tasse. Une assiette. Une assiette plate. Une assiette creuse. Une assiette à pain. La casserole. Le torchon. Le chiffon.